Sache qu'à l'heure où je te parle, y'a des secondes de ma vie qui s'écoulent. Combien mon reste dit avant que je délivre mon dernier souffle. On est tous condamnés, même ce monde qui souffre sur ses bouches. Et on est tous des âmes perdues, redoutant constamment le jour J. Et quand la mort touche nos proches, souvent le passé ressurgit. On passe son temps à se meurtrir, regrettant ce qu'on n'a pas su leur dire. Que dire de plus à part que ça se répète depuis trop longtemps qu'on reproduit les mêmes erreurs. Car on est tous en quête de bon temps et tant pis pour les autres. Si on anéantit le progrès, je serai plus là demain. Trop ce raisonnement, malheureusement c'est trop vrai. Je décrète ce monde froid, j'avoue que parfois ça m'effraie. Si je pouvais, ceux qu'on perd sous la foi, un peu de la mienne, je leur crèverais. Je resterai fidèle au poste, les bosses sur mes positions. Seul le fait de sauver un pote pour échanger ma déposition. Je file droit, j'avance pour éviter la malédiction. Car toujours se croire au-dessus de tout ne fait qu'alimenter la fiction. Donc fixons de nouvelles bases pour tous les frères et les sœurs, pour tous ceux du présent, mais surtout pour nos successeurs. Il est peut-être encore temps que le Seigneur nous accorde sa bonté. Donc savourons chaque instant, nous rappelant que nos jours sont comptés. Les jours défilent, le temps vient nous les compter. Mais on oublie dans l'histoire qu'ils nous sont comptés. Il nous reste tant d'épreuves à affronter. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre avant de monter. On se défile pour des choses qu'on doit surmonter. C'est ainsi, mais l'avance il faut remonter. C'est difficile, mais pas impossible. Et il faut y croire pour que Dieu nous accorde sa bonté. Bien souvent, je me dis qu'on perd notre temps sur des choses futiles, la plupart inutiles, en oubliant le plus important. Le diable jubile, tellement que ça en devient inquiétant. Très sain sur cette terre, j'aimerais bien encore l'être en sortant. Pas comme cet abruti qui au travail se tue à la tâche, oubliant, voir grandir son môme causant lui des ravages. Ni comme cet homme trompette, toujours à la quête de conquête, qui vieillit, comprend enfin que ses chances d'avoir une femme sont dead. Et ce mec égoïste qui ne croit pas avoir besoin d'aide, qui finira seul, ses jours remplis d'une humeur maussade. Ou cette femme ravie qui dit être prête pour la conception, mais qui cache à son mari toutes ses méthodes de contraception. Si je dis tout ça, c'est peut-être pour que tu te poses des questions. Pourquoi tout ça? Bien souvent c'est la vie qui te répond. Si ce texte parle et qu'il amplifie ta volonté, c'est qu'au fond j'ai raison, tu l'as compris, nos jours sont comptés. Les jours défilent, le temps vient nous les compter. Mais on oublie dans l'histoire qu'ils nous sont comptés. Il nous reste tant d'épreuves à affronter. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre avant de monter. On se défile pour des choses qu'on doit surmonter. C'est ainsi, mais l'avance il faut remonter. C'est difficile, mais pas impossible. Et il faut y croire pour que Dieu nous accorde sa bonté. Je comprends pas les gens, je te jure, ils sont jamais contents. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est que pour eux, la plupart du temps, les perspectives d'avenir sont vraiment inquiétantes. Ce qu'on veut que tu comprennes, c'est qu'on sait pas l'ampleur de notre retard. À nous de faire le nécessaire avant qu'il ne soit trop tard. Car chaque heure qu'on perd ne fait qu'accélérer notre départ. Et s'il y a plein de choses à faire, mais peu de chances de réduire l'écart. Donc vas-y, fonce. Qu'est-ce que t'attends? Les cartes ont été données. Y'a que toi qui peux t'aider, mon grand. Ton passé t'est étonné. Pense à la peine dans les regards de la plupart des gens que tu connais. C'est pas le tout d'avoir une vie. Non, avec elle, faut pas déconner. Les jours défilent, le temps vient nous les compter. Mais on oublie dans l'histoire qu'ils nous sont comptés. Il nous reste tant d'épreuves à affronter. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre avant de monter. On se défile pour des choses qu'on doit surmonter. C'est ainsi, mais l'avance il faut remonter. C'est difficile, mais pas impossible. Et il faut y croire pour que Dieu nous accorde sa bonté. Les jours défilent, le temps vient nous les compter. Mais on oublie dans l'histoire qu'ils nous sont comptés. Il nous reste tant d'épreuves à affronter. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre avant de monter.